terre. Moi, je fais confiance qu'en mon manche et en ma parole. Elle, elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair? Le passé me rattrape, j'ai fait les 400 coups. Quand je vois qu'il y a des recettes, j'avais pas de ses coups. Décharge et décolle dans toutes sortes de conditions. Quand il faut des sous, faut porter ses couilles. La vérité, c'est que t'es une putain. L'argent, je le fais tout seul, je compte pas sur les gens. Si tu me vois ganté, chercher mon butin. Sois sûr que c'est la tête, qu'elle a pas les jambes. Y'en a beaucoup qui chantent, perso, je connais les vrais frères. Les journées, ils passent, y'en a beaucoup enfermés. Je t'allume pour un pote et je te tue pour un vrai frère. En bas de la cité, les condés nous ont cernés. Joue pas la cause, la cité, pas des nôtres. J'ai un calibre qu'on fait, mais c'est pas sous mon lit. J'en ai détaillé des guerres, papa, pas les noms. Par amour, j'ai deux refrains qui me poussent des sous. Sale à la guerre, j'agis, moi, je suis pas trop bavard. Conséquent, j'irai voir le bavé, on s'en sort pas si mal. 6 heures, j'ai cassé ma cible, notre salope est passé aux aveux. Trop de salope pour causer ma perte. J'ai pris mes distances et maintenant je progresse selon ma part. J'ai cramé la bac à la tête. Si filoche à mort à croire qu'ils veulent repéter la face. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Gâte le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Gâte le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Gâte le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Je vais skiller méchant vers l'insu. Au niveau du pont, ils m'ont pas loupé. Ils m'ont pas loupé. Heureusement pour moi j'avais de la touche T. Cramé dans le secteur, je vois l'insulte. Get le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Je veux skiller méchant vers l'insu. Au niveau du pont, ils m'ont pas loupé. Ils m'ont pas loupé. Heureusement pour moi j'avais déjà touché. RS3 bénéfice en poche, t'as tourné peu, ce rap t'as pris des pets. J'peux pas trahir mes potes. Pour regret j'ai donné beaucoup, t'as fait quoi? Pardonner tes fesses sur la place à plein temps. Parfois j'fais des tours en deux roues, sans casse à gris, même les feux rouges. J'ai des potes déférés, des potes au compris, des longues peines et des potes qu'on peut passer le feu rouge. Dans ma tête c'est paro, sous CR j'vois des trucs qui se passent trop paro. Sur ma chaîne du cash, mais faut baisser le tarot. J'multiplie les délits histoire de me barrer, stupéfiant, j'casse tout carreau pour 24 carats. C'est vrai que la route tourne comme les condés, y'a beaucoup de gens que je regrette d'avoir fréquenté. J'ai fait du sale, toujours mes gants, c'est souvent c'est dans des sales histoires que je suis trempé. J'ai perdu des amis, des frères. T'inquiète, reste fort, y'a plus de hacks qui font plus d'effets. J'ai pas donné nom, moi tu sais, je suis toujours resté fort, même si je suis souvent dans les faits. Y'a plus rien à faire, j'ai cassé ma CP. Ne cache ton joueur, je connais pas ta CB. Agra mon frère, bah maintenant ça paye. Il faut des gros ou pas finir en CD. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Get le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Get le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Get le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Je veux skiller méchant vers l'insu. Au niveau du pont, ils m'ont pas loupé. Ils m'ont pas loupé. Heureusement pour moi, j'avais déjà touché. Cramé dans le secteur, je vois la suite. Get le post-t-shirt capuché. J'entends dans le check, tu veux ma chute. Handek, tu peux te faire cartoucher. Je veux skiller méchant vers l'insu. Au niveau du pont, ils m'ont pas loupé. Ils m'ont pas loupé.